CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarins, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès Sifou pour la période du 26 mai au 8 juillet 2014. C'est l'édition franco et je m'appelle Mathieu Plante. Oui, tout l'été, on bascule du côté francophone au côté anglophone de semaine en semaine. Et là, on débute un tout nouveau palmarès. On va avoir quelques nouvelles entrées. Avant de parler des nouvelles entrées, le numéro 1 de la semaine passée, c'était Jacques Mar avec Père Hippie. Alors que du côté anglophone, on en parlera la semaine prochaine plus en détail, mais c'était Pascal Picard avec Paper Planes. On va débuter l'émission avec notre petit bloc de nouveautés. Il y en a seulement deux. Plus tard, il y aura Nicolet avec... c'est un groupe que je connais pas. En fait, leur nouvel album s'appelle Le Quatrième. La chanson s'appelle Centre, mais avançant en 20e place, un retour pour Pandaléon. Et leur chanson Toune de chasse sur leur nouveau CD à chacun son gibier. On écoute ça à l'instant. Au palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Vraiment condensé. Ouais. La bête a trop perdu du sang. Le mien reste froid. On traque, on l'amène à sa perte. La chasse est ouverte. Entrée. dans la pièce que tout le monde cherche de l'extérieur. Nicolas, la pièce Centre, nouvelle entrée en 19e place du côté francophone sur l'album Le Quatrième. Avant entendu Pandaléon et Toune de chasse sur l'album À chacun son gibier. Pandaléon qui est de retour, eux qui s'étaient formés en 2009. C'est un groupe folk rock alternatif. Allez voir leur page Facebook en tapant Pandaléon et cherchez Nicolas pendant des heures et des heures parce qu'ils ont un nom beaucoup trop commun. Alors, on a deux nouvelles entrées du côté francophone. On va en avoir trois la semaine prochaine du côté anglophone, ce qui veut dire cinq nouvelles entrées. Ce qui veut dire qu'on dit au revoir à cinq pièces. Voici Palm Rest in Peace. Just voici les pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis la précédente édition. Et je m'engage pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, C'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 12 au 25 mai 2014. Il y en avait 5. Donc, Hôtel Morphée pour commencer avec Dernier Jour qui a duré 5 semaines. Pépé sa guitare et je m'engage qui a duré 5 semaines aussi. The Darcy's et Horses Fell qui a duré 6 semaines. Unknown Color et Me and I qui a duré 7. Et finalement, The Pack AD, 9 semaines pour la chanson Airborne. Félicitations à The Pack AD. D'habitude, je dirais souvent, ah, tu sais, mais ils sont de retour cette semaine dans les palmarès. Non, il n'y a personne qui est de retour à ce que je vois. Non, absolument rien. Dans ces cinq-là sont de retour. C'est bien triste pour eux. Maintenant qu'on a dit au revoir au vieux stock, on va retourner à du plus récent un petit peu. On va sauter par-dessus la 18e position francophone, elle qui est un petit peu moins récente, donc Catherine Leduc et les vieux hiboux qui descendent une place. On va entendre un bloc de 4, c'est rare qu'on fait ça, mais je me suis dit on va clencher ça le plus vite possible. On va entendre le bloc des 14, 15, 16 et 17, donc Calais Cudon en dernière position, Caravane et Dog Wave. On va débuter par contre avec Canaille, ça monte de 2 places, c'était nouveau la semaine passée. Voici Marathon sur C'est fou, 89 FM. Je me vois pas tellement courir après l'action. J'aime mieux faire. De quoi effacer tout ce que j'ai fait, minuit. Je suis ton homme. Tu dois me laisser payer mes dettes, minuit. Mon amour. Y'a rien de plus mortel que l'ennui, minuit. Mon amour. Dis-moi qu'un jour je suis ce que t'as envie. Bon, ce petit bloc de 4 pièces, on va l'entendre. Cadre Écudon avec notre propre roulette russe est en position numéro 14. Ça monte de 4 places, c'est le voilà, semaine passée. Même chose pour Minuit de Caravane, qui monte de 5. En 15e place francophone. Ensuite, en 16e, avant ça, c'était Cro-Cro de Dog Wave, qui descend d'une place, 4e semaine. Et au tout début du bloc, en 17e place, ça montait de 2 nouvelles entrées de la semaine passée. Marathon de Canaille sur l'album Rond-Point. Ce qui nous amène à passer encore une fois par-dessus quelques pièces. Donc, la 13e francophone, c'est Mordicus avec Ma Grande Gueule qui descend à la 4e. En 12e, ça descend de 10 places. C'est Radio Radio et 50 Shades of Beige. On va aller entendre les 10e et 11e plus tard. On a créé un monstre, mais avant ça, ça monte d'une place. Voici Fancy Ghetto d'Alexandre Desilets au Palmarès C'est Fou sur le 89.fm. Place dans ce fancy ghetto, mais je viens pour celle dont je suis fou allié. Seul dans mon coin, elle admire de loin. Je vois en son nom, elle qui ne connaît pas le mien. De toute façon, pourquoi elle s'en rappellerait de ce pauvre Dieu?

La fatigue par On a créé un monstre. Position numéro 10, stable du côté francophone. Avant ça, on a entendu Fancy Ghetto d'Alexandre Desilets qui montait d'une place en 11e. On saute par-dessus la 9e, c'est-à-dire Edgar Bory, c'est stable. Brel Ferré, oui. Sur l'album Bory Salade. On va écouter les 8, 7 et 6 ensemble. Donc, Coupe le gag et Philippe Braque plus tard. Mais on débute avec Clément Jacques qui monte de 8. Voici Dans nos cœurs. On parlera si fou. Mais j'suis tellement bande, t'es quelque chose. Mais surtout pour le début d'une autre. Il est midi, le monde est tranquille. Je vais aller me coucher. Clopelgag et Tunnel, position numéro 6, ça monte de la 11e. Avant ça, Philippe Braque et Le Matin des Raisons qui montent de cette place. Et en 8e, ça monte de 8, Clément Jacques et Dans nos cœurs. On est très, très pressé dans le temps. J'ai très mal calculé mes affaires. Donc, on saute par-dessus la 5e, Ariel, L'Art de la Dose. Et en 4e, Philippe B, Ornithologie 1. On y va avec le bloc des 3, 2 et 1. Plus tard, Jacques Mort. On débute par contre avec la 3e. Voici Mange, l'ours mange et Nuit blanche. Au palmarès, c'est fou. Ben, ben vite. C'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant, pour être honnête, c'est dur pour le physique.

première position. Francophone. On a commencé avec Mange l'ours mange, en troisième place avec Nuit blanche qui monte de 2. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Paris Pie de Jacques Mar. Et on vient d'entendre en première place qui monte de 2, Fontarabie avec Forcé ou quitter. C'est un sample d'un futur album, j'espère, parce que Fontarabie, je trouve ça vraiment très très bon. C'est un des gars de Malajube. Voilà pour les palmarès francophones de cette semaine. On se retrouve jeudi prochain entre 14h et 15h. Après nous, c'est Assemblage requis avec moi-même et Jean-Philippe Charbonneau. Ensuite, on repasse le samedi. L'ensemble Assemblage requis palmarès est fou est entre midi et 16h. Même chose. Le lundi, entre 14h et 18h. Après nous, restez là pour Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan, accompagnée de David Perron. On va se quitter avec une pièce qu'on a sautée tantôt. C'est la 12e place francophone sur la plupart de nos stations. Vous entendrez Radio et 50 Shades of Beige. À la semaine prochaine. Bye. Stage, porter du beige, tu vois la vie en rose.